Pigeon et Boisvert. Situation d'avenir, relations extérieures. Doit avoir expérience et bonne éducation. Salaire. Que c'est pas pour moi. 125 piastres par semaine en commençant, c'est un compte de dépenses. On les intéresse pas. Autrement, ils en auraient parlé au bureau. Ils auraient affiché la nouvelle au tableau des employés. Non, je connais un business mieux que n'importe qui. C'est du travail intéressant qui ne demande même pas des études poussées. Mais quand t'as un parchemin, ça aide. Comment ça que je vais les voir aujourd'hui? Fais pas ça. On peut toujours essayer. C'est du temps gaspillé. Ils te recevront même pas, ils vont te bloquer tout de suite. Ouais. C'est me présenter? Capable de m'habiller, de cirer mes chaussures, de parler anglais aussi bien que français. Je peux rencontrer n'importe qui sans avoir honte. Mais t'as ni expérience, ni background. Ils veulent quelqu'un qui va porter de l'eau au moulin. Pas un tout nu comme toi. Pas un gars qui rivelait de dette qui peut même pas mener sa barque. Toi, si t'étais pas mon ami, je t'aurais déjà vendu à la face. Tu vois, Manuel, dans le monde des affaires, ça c'est une phrase qui se dit pas. Ça fait rien, je vais aller voir cet après-midi. J'ai dit que j'ai lu le nom dans le... Que je suis prêt à poser ma candidature. Faut pas attendre dans ces occasions-là, faut foncer, faut pas se laisser devancer par personne. On sait jamais, Hugues. C'est peut-être le commencement de ma vie. Peut-être. En démocratie, tu peux essayer ta chance n'importe où. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que tu vas déboucher quelque part. Ouais. T'as quoi ton cognac qu'il faut rentrer? Moi, je n'ai pas l'intention d'arriver. Okay. J'ai eu une grande faveur à vous demander. C'est rare que ça vous arrive, vous n'êtes pas tellement le genre à demander. Ce serait très important que je voie M. Pigeon. Je craignais malheureusement que ce soit ça. Pourquoi? Vous pensez qu'il va refuser automatiquement de me voir? C'est qu'il est passablement occupé aujourd'hui. Toutes ses heures sont prises. Vous pensez pas qu'il y aurait 5 minutes? C'est ici que c'est pour moi. C'est pas possible. Non, écoutez, si je vois qu'il peut se libérer un moment, je vous appelle aussitôt. Bon. Merci, Virginie. Je bougerai pas de mon bureau. Tes mains tremblaient. Très drôle de garçon. Un physique d'athlète, une tête d'aventurier. Des mains qui tremblent. Entre quatre murs, doit manquer d'espace. Non, on vous a donné la mauvaise extension. Sophie, c'est pour Grégoire, c'est pas pour moi. Virginie m'appelle aussitôt que Pigeon à un moment libre. Ça me répond mieux de préparer? Attendra demain? Non. Le père, chez nous, disait toujours qu'il fallait s'arranger pour être le premier. Qu'est-ce qu'il faisait déjà, ton père? Rien. C'était personne, mais il savait ce qu'il disait. Donne-moi le dossier de la croix. C'est ce que Pigeon va te dire? Je le saurai quand je le verrai. Il va te dire d'aller voir Boisvert. Les causes délicates à régler, il passe toujours à Boisvert. Une fois chez Boisvert, tu sais comment il va se débarrasser de toi. Fiche-moi la paix. Tout ce que tu réussis à faire, c'est de m'énerver. Tu auras au moins le mérite d'avoir essayé. arrive. Oui, c'est moi. Merci, Virginie. J'arrive tout de suite. Je voudrais voir Charles Pigeon. Vous avez un rendez-vous? Non, non, dites seulement que c'est son ami Gaston. Si vous voulez vous asseoir. Merci. Charlie, hein? Oh, c'est Charles, vieux crapaud. Amène-toi, sauvage. Oh, il y a des tiens, hein? Juste comme j'étais pour vous appeler, Manuel. Vous m'avez dit qu'il pourrait me recevoir tout de suite. Je ne pouvais pas prévoir qu'un ami lui arriverait comme ça au même moment. Excusez-moi. Vous voulez vous asseoir, ça sera peut-être pas très long. C'est M. Pigeon que vous tenez spécialement à voir? Oui. Parce que son associé est ici? Je sais. Comme vous voudrez. Ça fait exprès, il n'a jamais été aussi occupé. Il n'a même pas pris le temps de manger à midi. Il y a des gens qui se privent de manger, mais pas pour les mêmes raisons. Vous ne l'avez pas gâté, Manuel? Vous venez pas nous voir souvent? Quand j'étais jeune, j'ai appris une chose, c'est de garder ma place. Vous n'aimez pas vous imposer, je crois. Quand je suis justifié de le faire, je le fais. C'est dangereux. Dans le monde où on vit, les hommes sont souvent obligés de se battre. Les femmes aussi, d'ailleurs. Oui, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons. Ah, ben, je t'avais mangé pendant un verre. Ensuite, we're gonna paint the town in red. Ok, mais j'ai dit, téléphonez à ma femme d'équipe, mon ami Gaston est en ville. Vous le verrez une autre fois, Manuel. Demain, est-ce que ça va être possible? Mais non, c'est pas possible, il est en dehors de la ville toute la journée. Ah. Ça ira lundi. Mais je peux vous aider en attendant? Non. Merci quand même. Laisse démolir facilement. On ne croirait pas si fragile. Qu'est-ce que tu décides? Sujet de quoi? Le bonnet? Ah, je sais pas. Tu veux que je décide pour toi? Ah, ça te fait rien, toi, que ma femme me divorce? Puisque ça va arriver un jour. J'ai plus d'argent pour parier. Emprunt? J'ai plus de crédit à ma banque. Les compagnies de finances sont le boursard. Ouais. Attends-moi 5 heures, on ira prendre un verre ensemble. J'ai l'impression que je vais avoir pas mal de soif. J'ai des bons tuyaux pour ce soir. Ah, et c'est toujours ce que tu me dis. Ah non, le chauffeur au taxi ce matin, son frère travaille aux écuries. La dernière fois, c'était le beau-frère de ta blonde. J'ai tout mis sur le même cheval, je suis sorti lavé. Je peux t'en prêter si t'en manques. Ah non, attends-moi 5 heures, laisse-moi travailler. Cesse de rêver, Manuel. De quoi? Moi, je t'ai prévenu, il n'y a pas de... C'est pas fini, ça commence seulement. Je ne laisse pas abattre facilement. T'es pas assez réaliste. Tu manques de timing. D'où ça vient? Une boutique du Vieux-Montréal. Tu as déjà dit que t'avais beaucoup de goût. Faudrait que je trouve autre chose. Faudrait qu'on se voit aussi. On se connaît mal, quand même. Pour ça, faudrait savoir si moi, je suis intéressée à te voir. Ah, oui. Ça, c'est bien sûr. Ça, c'est évident. Ça va pas en sens unique, ces histoires-là. Mais moi, je t'avoue une chose. Ça m'intéresse passablement. Mais j'imagine que tu disposes de très peu de temps, tu dois être un homme très, très occupé. Un jour, je trouverai le temps qu'il faut. Assure-toi la veille, que moi aussi je l'ai. Et donc, tenez. J'en ai voir un peu comme d'habitude. Pour moi, oui. Vous savez, dégage, je vois pas de différence. Après, on soupe chez Tommaso. C'est mon invité. Tu fais un wood-up? Non, non. Je suis plus intelligent que ça. fait 2 ans que je me cherche quelque chose, moi aussi. Je n'ai pas encore trouvé. Je cherche mal. Je pourrais peut-être te présenter des gars un jour. Des gars d'affaires, tu comprends? Pour me mettre dans le trou un peu plus. Non. Le contraire, t'en sortir. Merci, Delay. En cours, soir. Ouais, puisque t'as tout décidé d'avance, j'appelle ma femme. Non, fais pas ça. Il faut que tu commences à penser, Emmanuel. Penser à quoi? T'appelles ta femme pour te dire que tu viens en cours, que tu rentres pas manger. Tu vas te faire engueuler. Puis quand tu vas rentrer en fin de veillée, tu vas te faire engueuler encore une fois. Au lieu de te faire engueuler 2 fois, tu vas t'engueuler seulement qu'une fois. C'est logique en mouille. Un jour, peut-être qu'elle pourra plus t'engueuler jamais. Si c'était pas des 2 enfants... Mais je les aime. Je les ai faits, je les aime. Tu dis ça comme si tu voulais les être enlevés. Des fois, Hugues, des fois. Quoi, des fois? Je me demande pourquoi je les ai mis au monde. Merci, Dre. Je reste en fin de semaine. Je passerai samedi. Ça marche à ton goût? Assez, ouais. Que tu lui as le sens des affaires? Le problème, Manuel, c'est que je pourrais pas me contenter de ma petite job chez Pigeon et Boisvert. À 85 piastres par semaine, je me tire une balle dans le chapeau. C'est peut-être ce que je finirai par faire un jour. La même chose, Thierry. Suzanne, t'avais demandé d'acheter des oranges. Pas tout. C'est 3 jours que je te dis d'acheter des oranges, c'est trop te demander. Avec quel argent? Comment avec quel argent? Tu m'as rien donné depuis une semaine. T'aurais quand même dû en avoir assez pour acheter des oranges, c'est tout ce que je te demande. Tu pourrais au moins faire ça pour moi. Je l'ai fait, Emmanuel. Je l'ai fait pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai été ton esclave. J'ai dit oui tout le temps. Mais là, c'est fini, Manuel. OK. Commence pas à bouger ta sainte. T'es pas content de ce qu'il y a à manger? Va déjeuner ailleurs. Le jour où je te prendrai au monde, toi. J'aurais peur. T'aurais bien que trop peur. Combien de fois tu m'as menacé de partir? Combien de fois t'as jamais été capable? C'est pas pour toi que je suis resté, c'est pour les enfants. Des enfants que tu vois jamais, dont tu t'occupes jamais. Dis pas ça. C'est pourtant la vérité. Je veux pas que tu dises ça. T'aimes pas ça, regarder la vérité en face, hein? Tu sais que j'ai des problèmes, tu sais que j'ai autre chose à penser. C'est de ma faute, c'est criblé de dettes. Oui. Ah, oh, c'est de ma faute! Reviens pas là-dessus. Depuis 8 ans que tu rêves tout haut, que tu me promets la lune, que tu essaies de me faire croire à des promotions qu'on te donne jamais. J'ai pas été chanceux, tu le sais que j'ai pas été chanceux. Pauvre petit garçon, tout le monde a perdu. Ferme-toi! Fini de me taire, Miguel. J'ai plus peur de tes cris ni de tes coups de poing à la tête. Va-t'en, retourne te coucher, laisse-moi boire mon café en paix, j'ai une journée importante aujourd'hui. Une journée importante? Mais raconte-moi ta journée importante, mon pauvre chou. Je vois ton petit jeu, t'essaies toujours de me démolir, mais tu réussiras pas. T'es trop orgueilleuse pour écouter ce que j'ai à dire, t'es trop égoïste pour faire l'effort de comprendre les autres. Je suis la femme la plus monstrueuse que t'as jamais rencontrée. Ça aussi, tu peux le dire, tu l'as dit souvent, tu peux le répéter. T'aimes ça, hein? T'aimes ça me pousser à bout, t'aimes ça me rendre méchant. Tu te dis que je vais partir d'ici un autre matin en me sentant coupable, humilié d'avoir agi comme une brute. Tu te dis que c'est encore moi qui vais en souffrir le plus? Parce que je vais traîner ça avec moi toute la journée jusqu'au soir. Ça achève, Suzanne, ça achève. Encore des menaces? Un jour, ça sera plus des menaces. Tu te retrouveras toute seule, je partirai avec les deux enfants. De quel droit? Je partirai avec les deux enfants parce que tu mérites pas de les élever. Parce que si je te les laisse, tu vas leur apprendre à mépriser. Tu vas essayer de les rendre à ton image. Tu vas leur transmettre ta méchanceté. Tu diras ça au juge. Il va te croire. Il va te croire quand tu sauras que tu bois la moitié de ta paye, que tu joues le reste aux courses, que tu es plus solvable, que tu payes même pas ton loyer, que tu les affames, tes enfants. Ils ont peur de toi aussitôt que tu passes la porte. Ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi parce que tu leur apprends à avoir peur de moi. Tu les dresses contre moi. Je sais pas ce que tu leur racontes, mais je te connais suffisamment pour savoir que tu ne leur enseignes pas le respect, ni l'amour. Le respect, l'amour. Oh, cherche pas, ça fait longtemps que t'as oublié ce que ça voulait dire. C'est vrai. Je l'ai déjà su. Ouais. J'ai déjà été une femme capable de respect, d'amour. C'est tellement loin que je m'en souviens plus. J'avais les yeux fermés. J'avais le cœur fermé. J'avais ma vie à gagner. J'avais à me débattre dans un monde difficile sans avoir les armes qu'il fallait. Pour toi d'abord, pour les enfants ensuite. Mais parce que t'échouais, parce que t'arrivais pas à réaliser tes ambitions, parce que t'étais mal préparé pour te défendre, tu plongeais sur moi, sur les enfants. J'ai essayé de te donner le meilleur de moi-même, Manuel, mais t'as jamais su le prendre. Même l'amour que j'avais pour toi, le respect aussi. Tu prenais ça pour de la pitié. Tu m'as si souvent dit que tu pouvais te passer de ma pitié que j'ai fini par avoir pitié de toi. Puis après, un jour, il ne restait même plus de pitié. Oui, je suis une égoïste. Je suis une orgueilleuse. C'est vrai que je suis méchante. Quand je suis venue à toi, il y a 8 ans, j'étais autre chose. J'étais une jeune fille disponible. Avec ma confiance en toi. En la vie. De ça, Manuel, de ça, il ne reste rien. Attends. Attends, Suzanne. Tu vas être en retard au bureau. Je vais avoir mon rendez-vous aujourd'hui. Ça fait 4 jours que tu m'en parles. Et aujourd'hui, je vais la voir. Pigeon est en dehors de la ville. 5 ans, tu prends de rendez-vous qui aboutissent à rien. Aujourd'hui, il va être là. Virginie m'a dit que c'était très important qu'il soit là aujourd'hui. Pauvre Manuel. Un jour, je t'ai cru. Tu réussissais à me donner de l'espoir. C'est plus possible. Non, dis pas ça. Moi, j'ai encore confiance. Moi, j'ai encore de l'espoir. Qui me la donne, la situation, tu vas voir, je vais être un autre homme. J'ai jamais eu la chance avant. J'ai jamais eu la chance de prouver ce que j'étais capable de faire. Qui me la donne une fois, ma chance, tu vas voir. Il faut pas viser trop haut non plus. C'est jamais bon de viser trop haut. T'aurais dû au commencement m'habituer à une petite vie au lieu de me faire entrevoir un paradis que tu pouvais pas me donner. Je peux tout te donner, c'est le temps. C'est le temps qui joue toujours contre moi. Qu'est-ce que c'était que mon père disait? Quand on est né pour un petit... Non, ça c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était peut-être vrai un temps, mais ça l'est plus. On vit dans une nouvelle époque. Aujourd'hui, faut fermer les poings. Faut foncer sur la vie, faut se battre. Ceux qui le font finissent par gagner le combat. Un homme, c'est comme un boxeur qui monte dans l'arène. Il regarde le gant en face de lui, il se dit... C'est peut-être un bon diable, j'ai pas de raison de le frapper ni de le haïr. Il faut que je le descende. Tu comprends? Tu m'as déjà expliqué ça, Manuel, je comprenais. Un boxeur perdant, ça a toujours été toi. Ça a commencé parce que j'ai oublié d'acheter des oranges. Ah, ça m'est égal maintenant. T'as raison de me disputer. Au fond, t'aurais raison de m'en vouloir parce que j'ai négligé de presser ton veston. Non, je vous trouve pas si froissé que ça. Si tu m'y avais fait penser aussi. Je t'en ai parlé, ma chérie. Juste au moment où je couchais les enfants. Non, un petit peu plus tard dans la soirée. Je regardais la télévision, le programme que j'aime le plus. Parlant de télévision, t'es en retard de 5 mois dans tes paiements. Un homme a appelé. T'aurais dû dire de m'appeler au bureau, j'irai parler. J'ai pas pensé. Quand un créancier m'appelle, je sais plus ce que je dis, je deviens tout affolé. Un jour. Qu'est-ce que t'allais dire? Rien. Je vais être en retard. Tu vas m'appeler après ton rendez-vous pour savoir... Si je manque mon coup, je me jette dans le fleuve. Mais tu vois comment t'es fait, Manuel. Un gostan, de devoir fermer les portes. Dis pas ça tout de suite. Tout à l'heure, t'avais repris confiance. T'étais prêt à te battre. Mais oui, c'est la même chose. Chaque fois, je suis toujours obligé d'avoir confiance pour Dieu. Mais tu vois, tu recommences. Je recommence pas, je dis seulement ce qui est vrai. Mais je voudrais que tu réussisses. Tu peux pas savoir comme je serais heureuse, Manuel. Tu peux pas savoir. Je vais réussir si tu y mets du tien de temps en temps. Mais c'est là que t'es là. Cesse de dire que je suis là. Je peux pas cesser de le dire quand c'est vrai. Aussitôt que ta flambée de confiance est passée, aussitôt que tu te mets à douter, à avoir peur, tu penses plus à te battre. C'est là que tu redeviens méchant. Tu mets ta responsabilité sur le dos des autres, t'accuses, tu menaces de te suicider. T'as jamais eu à gagner ta vie. T'as toujours vécu dans une famille à l'aise, toi. Pas si à l'aise que ça. Ton père s'est enrichi avec le marché noir pendant la dernière guerre, tout le monde sait ça. Pourquoi tu ramènes ça dans la conversation? Ta mère récitait des chapelets en Syrie, pas qu'il se fasse prendre. C'est ton père qui me l'a raconté. Il pouvait pas se faire prendre, le député le protégeait. Et après, t'es de plus en plus lâche. T'es de plus en plus lâche. Quand t'es pas satisfait de m'attaquer, tu m'attaques à travers mes parents pour que ça me fasse encore plus mal. Et ça, crie, continue de me démolir, continue de me traiter de lâche. Oh, va-t'en, j'y reviens plus jamais. Un jour, toi, tu vas me dire ça va être final, je remettrai plus les pieds dans la maison. Tu te retrouveras toute seule pour le reste de tes jours à te plaindre, à t'apitoyer sur ton sort. Tu l'appelleras ta mère, tu l'appelleras ton père, tu leur diras tout ce que tu voudras. Que je te torturais, que je battais l'enfant, que j'étais rien qu'une brute, un vaurien. Je m'en sacre. Je serai loin. Je serai loin de l'enfer que t'as voulu créer autour de moi. Lâche! Espèce de lâche! Oh, je voudrais pouvoir te tuer. Je te tuerai un jour. Je te tuerai. J'ai pu lui demander ce qu'il voulait. J'ai essayé de savoir, mais c'est un garçon qui parle pas beaucoup. Vous devinez même pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très nerveux. On dirait que c'est une question de vie ou de mort pour lui. Ouais. Il vient s'inquiéter d'une augmentation, c'est ça son histoire. Un employé que je garde par charité me ruine de continuer de le payer. Dites-lui d'entrer, je vais y régler son problème, puis vite, t'as pas ça. Je sais que vous pouvez être gentil quand vous voulez. Alors, je suis gentil avec les femmes qui me plaisent, avec mes amis, avec tous ceux qui peuvent me rapporter quelque chose. Pas de temps à perdre avec les autres. Il y a deux enfants, vous savez. Mais quoi? Pas responsable de ces maladresses? Vous dites toujours des choses qui dépassent votre pensée. Que je dis, les pauvres, ils font rien pour se tirer dans le barreau. Bon, c'est avec eux autres qu'on bat une race. Je vais sortir avant que vous alliez trop loin. pauvre Virginie, avec l'amour qui se perd. Il n'y a pas de temps que je fasse quelque chose avant que ce soit trop tard. Hé, Charles, tranquille. Virginie, t'es une bonne secrétaire, arrange-toi pour la garder. Je peux le planter comme un piquet, là. Ah ouais, prends. Monsieur Pigeon? Pas si fort! T'es pas au forum. On dirait que tu te prépares à faire un discours d'élection. Ça. La journée est bien remplie, là, mais comme j'ai pour principe de jamais fermer la porte à mes employés, je vais écouter ce que t'as à me dire. T'as l'air bien parti pour toi? Vas-y, chante pas! J'aime que mes employés soient à l'aise. Un patron, ça doit être comme un père de famille. Monsieur Pigeon, je... Avant que tu trop loin, là, le dossier Gendron, c'est toi qui s'occupe de ça? Oui. Le recouvrement, vous avez fait depuis longtemps. Hein? Oui, je sais. Tu t'es attendri? Justement, j'étais pour demander à Monsieur Boisvert de confier ça aujourd'hui à des huissiers. Bon, tu mettras ça dans le dossier, tu apporteras tout ça à Hector. Oui. Les gens disent que c'est pas un beau métier, faire des recouvrements. On le fait d'abord. Qu'est-ce qu'il fait à notre place, hein? Moi, je me suis jamais plaint. On travaille pour le pays. On travaille à mettre de l'ordre dans l'économie du pays. Comme je vous dis, moi, je me suis jamais plaint. Je comprends. T'as une bonne position, la sécurité. De quoi? Viens faire vivre ta femme, l'habiller comme il faut, acheter des petites douceurs aux enfants, là. Ben, c'est pas de grand luxe, mais on sait jamais. De la bonne volonté, de la patience. Un jour, tu vas peut-être te mériter l'avancement que tu mérites. Justement, si je demandais à vous voir, monsieur, je parle. Je connais même pas le but de tes visites. Bon, je vais essayer d'être direct, non, parce que je sais que vous avez pas beaucoup de temps. Dès que je vous mets de fou, continue. La semaine passée, j'ai vu dans le journal que vous aviez mis une annonce. Voilà, parle-moi d'un pot. C'est un vrai défilé dans le bureau. C'est pas les candidats qui manquent, c'est job. Avec le chômage qu'on a dans le pays, ça s'explique. Hein? Tout de suite, en voyant l'annonce que vous aviez placée dans le journal, je me suis dit que... Qu'est-ce que tu t'es dit? Remarquez, je vous raconte tout ça, moi, dans l'espoir que votre choix se trouve pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Ah. Non, mais on va prendre une décision bientôt, là. Ah. Avec l'expansion, là, on a du pain sur la planche. Faut être de l'avant, faut progresser. Chez Jean Boisvert, on a une devise. Vers les sommets. C'est une belle devise. Ouais. Mais, si vous élargissez les cadres... Vous allez avoir besoin d'hommes. Ben oui, c'est pour ça qu'on va en engager un nouveau. Écoutez, M. Pigeon. Ben, je fais rien que ça depuis tout à l'heure, t'écouter. Moi, M. Pigeon, moi. Quoi, toi? Ben, je suis à votre emploi depuis 5 ans. Toujours bien fait mon travail. Je connais le business par cœur. Je suis honnête, je suis débrouillard. Enfin, je pense que je peux dire que je suis débrouillard. Je n'ai jamais dit que tu l'étais pas non plus. Laissez-moi continuer. Hein? Je pense que le temps est venu que vous me donniez ma chance. J'ai toujours été ponctuel, jamais malade. 9 h le matin au bureau, jamais parti avant les autres. Je voudrais que... Enfin, j'aimerais... Monsieur Pigeon, je suis prêt à poser ma candidature. Je suis peut-être l'homme qu'il vous faut. Oui. Ben, tu me prends un peu par surprise, Emmanuel. Je vous ai demandé un rendez-vous. J'ai pas perdu une minute, seulement... Vous avez pas pu me recevoir. Je peux pas savoir quel cauchemar j'ai vécu depuis 5 jours. J'avais toujours peur d'arriver trop tard, d'arriver un matin... et de voir un autre occuper la place que je désirais. Écoute, mon garçon. Vous pouvez remarquer que j'ai 2 enfants aussi. Oh, mais ça, t'as pas à t'en vanter. Hein. Non, mais je voudrais que vous preniez ça en considération. Ouais. Vous connaissez ma femme aussi. Je l'ai amenée au fête l'an passé, au party du bureau. C'est une femme encore jeune, encore belle. Ça méritait que je lui apporte un peu de confort, un peu d'agrément dans la vie. Ben, je comprends ça. Je suis humain, hein. Il y en a qui disent que tout ce que je cherche, c'est faire une pièce dans la vie. Ils connaissent mal. Ils sont jaloux de ma réussite. J'imagine que c'est facile, en fait, qu'à monter sur la tête des autres et les écraser. C'est tout un peu vrai, mais ça ne l'est pas complètement. Ce qu'il faut bûcher, c'est qu'il faut travailler sans arrêt, sans compter les heures, mais je suis prêt à tout ça, si seulement vous voulez me donner ma chance. Ouais. Alors, tu sais, c'est parce que il y en a 7 avant toi. Qui connaissent le business aussi bien que moi? Donc, qui l'apprendraient rapidement, puis qui apporteraient des connaissances que tu n'as peut-être pas, toi. Des gars qui sortent du collège, des gars qui sortent de l'université? L'expérience, ça ne s'apprend pas à l'école. Moi, j'ai seulement 31 ans, mais j'ai vécu. Je peux dire ce que c'est. J'en ai rencontré du monde. J'ai traversé des épreuves. C'est pour ça, tout à l'heure, au risque de paraître pour prétentieux, je vous ai dit que j'étais débrouillard. Ah. Allô, oui. Ah, bah, ben, dis, ouais, dis-tu que je vais le recevoir. Ah, ben. Ça fait bien la peine, Manuel, mais. Oh, tu me laisses un client qui veut me voir. Non, on va pas là une autre fois. Ce sera trop tard quand vous en aurez engagé un autre. Non, c'est pas encore fait, puis ça se fera pas probablement demain non plus. Tiens, je vais te donner une idée. Va donc voir Hector. D'ailleurs, c'est lui qui a dû voir tout de suite. Hein, c'est lui qui a le dernier mot quand il s'agit des problèmes du personnel. C'est mon homme de confiance, c'est mon bras droit, le seul homme en qui j'ai confiance dans la vie. Va le voir, présente-toi calmement. Alors qu'on se dit tout ce que tu viens me dire, on ne sait jamais. Moi, j'ai tellement de choix à fouetter, tu comprends. Si vous ne croyez pas en moi, pensez-vous que l'autre va y croire plus? Moi, je comprends. Soyez donc franc, essayez donc pas de me leurrer. Si je ne vous intéresse pas, dites-le moi en pleine face, on en parlera plus ensuite. Oh, si tu penses ça sur ce ton-là, par exemple. Tiens, regarde, regarde tout le travail que j'ai là, hein. Encore 5 rendez-vous aujourd'hui. Et tu dis que je m'intéresse pas à toi? Je viens de t'accorder 10 minutes de mon temps, en dépit du bon sens. Excusez-moi. Merci quand même. Ouais. Je comprends toujours pas votre idée, Manuel. Quelle idée? De m'avoir donné rendez-vous ici. On aurait pu partir ensemble du bureau. C'est à vous que j'ai pensé. Je voulais pas que les autres... Je me fiche éperdument des autres. Hein, qui peuvent dire ce qu'ils peuvent faire. Ah oui, je dois mal vous connaître. Vous me prenez pour une jeune fille de principe timide et rusée. Non, j'ai jamais pensé que vous étiez timide. Ça vous plairait de prendre un verre? J'ai l'âge d'aller dans les bars. Ouais, je peux pas vous offrir ce qu'il y a de plus chic. Mais je vous demande pas ça non plus. Ça m'arrive souvent de venir ici avec Hugues. Hugues, c'est le seul ami que j'ai. Il réussit bien, mais pour lui, c'est facile. C'est un type intelligent. Il se mariera pas de sitôt non plus, il fera pas de folie sans gomme. Il va changer de voiture encore. Il faut toujours le modèle de l'année. Je pense qu'il va prendre une décapotable. C'est pour me parler de lui que tu m'as donné rendez-vous. Pardon? Peux-tu tutoyer? J'aime pas les cérémonies. C'est pas facile pour moi, Daniel. Tu le fais une fois, après t'en prends l'habitude. Avec vous, ce que vous représentez pour moi... Je suis pas une statue ni une princesse, je suis une femme en chair et en os comme toutes les autres femmes. Oh non, non, vous êtes pas comme les autres femmes. Hugues me tutoie, lui. Fais la même chose, c'est plus simple. Si tu peux pas autant dire bonjour tout de suite. Ben, je vais essayer, mais je savais pas que... Sais-tu, c'est triste à faire pleurer. Quoi? C'est un garçon comme toi qu'on dirait fort, viril, qui donne l'impression de pouvoir conquérir le monde. C'est décevant quand on s'aperçoit qu'il comprend. J'aime pas qu'on se moque de moi. Si tu veux partir tout de suite, je te retiens pas. Je te trouve plus convenable quand tu te fâches comme ça. Oh, j'aurais jamais pensé que je pouvais te parler comme je viens de te faire. Tu me voyais mal. Tu me regardais à travers des verres fumés. Pourquoi tu cherches à trouver chez les autres ce qu'ils n'ont pas? C'est pas la même chose avec les autres femmes. Ta femme, tu l'aimes? Quand tu t'es marié avec elle, tu l'as aimée? Oui. Tu t'es aperçu après que tu la connaissais pas pour vrai. Qui t'a dit ça? C'est de courant. T'es pas marié, toi, tu peux pas savoir ce que c'est. Ça m'arrive de regarder vivre les gens mariés. Si c'était pas de mes deux enfants. Quoi, tu me crois pas? On sert trop souvent des enfants comme prétexte, on cache sa faiblesse derrière ça. T'es une drôle de femme, toi. C'est pas vrai ce que je viens de te dire. Ça me déplaît que tu me juges comme un faible. Quand t'essaies de jouer au fort. Je joue pas au fort, je joue à rien. Le temps de jouer, c'est fini pour moi depuis longtemps. Maintenant, je suis un mari, un cave. Tout ce que j'avais, je l'ai donné, ce que j'avais pas aussi. Parle, parle, t'as l'impression de te venger, ça soulage. Ça soulage pas longtemps. Non, mais c'est quand même mieux de se venger comme ça que d'avoir employé les grands moyens. Quel grand moyen? Les seuls vrais. Briser avec ta femme ou lier tes enfants, puis retrouver ta liberté. Non, c'est ça qui serait lâche. Tu serais lâche parce que t'es pas capable de faire. Il me reste un peu de cœur, j'essaie de sauver ça. Parlons-en plus, Manuel. Non, parlons-en plus. Est-ce que je peux te demander de m'offrir un hôtel? Ah oui, certain. Tédé! Oui? La même chose. Hugues viendra pas? Je sais pas. Il t'a passé? Il est parti avant moi du bureau. Après le deuxième verre, tu vas peut-être pouvoir me dire pourquoi tu voulais me voir. Je peux te le dire tout de suite. Qu'est-ce que t'as deviné? Ça me surprendrait. J'ai bien rendez-vous avec toi. Ah ben... C'est la première fois que je rencontre une femme qui sait tout. Si? Toutes tes démarches pour avoir un rendez-vous avec Pigeon. J'ai frappé de l'œil. C'est bien l'impression que j'ai eue. Maintenant? Maintenant, tu veux tenter ta chance avec Boisvert. Oui. Tu voudrais que je te dise comment t'y prendre. Oui. Tu voudrais peut-être aussi que je prépare le terrain. Si c'est possible. Ben, garde le reste, lui. Comment on dit ça? Tchin-tchin? Ah oui, tchin-tchin. T'es là? On prend un verre ensemble, on se tutoie. J'aurais jamais pensé que c'était possible. Il y a encore une heure, on était deux étrangers. Deux étrangers qui se croisaient tous les jours, pense quoi. Tu veux pas t'en aller tout de suite, là? Je suis pas pressée, j'ai tout mon temps. C'est pas désagréable. Toi, t'es attendu? Non, non, pas ce soir. Tu mens. Je suis attendu, mais ça m'est égal. J'ai deux enfants. Ma femme s'en occupe, il manque de rien. Tu manques à ta femme? Cesse de me parler d'elle. Sais-tu ce que t'es, Manuel? Un lâche, tu me l'as déjà dit. Bon, merci. Tu ménages pas tes compliments, toi. J'aime les brutes. Je suis peut-être une brute en apparence, mais... Au fond, t'es tout comme les mots. hommes touchent pas petit. J'ai fait ça sans réfléchir. Les hommes sont stupides, peureux, remplis d'une vie. C'est un réflexe que j'ai eu. Je comprends bien, Manuel. Vous... T'aimes ça, la musique? Oui, pas celle-là. Moi, avant de me marier, j'allais danser tous les samedis soirs. D'amis. Je sortais avec toutes les filles du quartier. Des fois, des fins de semaine, on louait une auto, trois ou quatre coupes ensemble, on montait dans le nord, on buvait de la bière, on chantait, on faisait fou. On pensait à rien, on se fichait de tout. C'était la belle vie. Ouais, c'était la belle vie avant que je me marie. Ils disent tout ça à ton âge. Menotte au poing, les chevilles attachées. 30 ans, ils vivent déjà leur passé. Les filles me parlaient pas comme tu me parles. Pour faire du bruit, pour réveiller ceux qui dorment. Qu'est-ce que tu essaies de faire de moi? J'aime me dire que je suis une femme, que je peux ébranler un homme. Qu'est-ce que ça te donne? Rien. Je me dis qu'un jour, je me trouverai en face de quelqu'un que je serai incapable de dérouter. Je capitulerai. Je cesserai alors de vivre crucifié sur moi-même. Que je me jetterai à ses pieds toute tremblante, prête à me donner pour toujours. Un homme qui sera un autre que moi. Moi, j'ai manqué le bateau, comme on dit. Oui. Tu l'as manqué, t'as pris une mauvaise nouvelle. Un bateau manqué, un départ raté, c'est la même chose. Aujourd'hui, on s'est croisés. Un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais il s'est pas produit de vraie rencontre. De réussir une vraie rencontre. Maintenant, on va continuer notre chemin. On va s'en aller tous les deux, mais chacun dans des directions opposées. Une grosse mer. Une mer, oui. Tu veux qu'on dorme dans un frigidaire? C'est pas froid ce soir. Qu'on ait chaud, le brûleur est défectueux, moi je gèle. C'est la plus belle soirée d'octobre que j'ai jamais eue. C'est pour ça que tu l'as passé dehors? Tu m'avais promis de réparer le brûleur avant l'hiver. C'est pas encore l'hiver. Ça te fait rien que les enfants tombent malades? Fais donc pas de drame, ils sont en pleine santé. J'étouffe, la fenêtre fermée, ça tu le sais. Moi, je gèle. Laisse-moi l'ouvrir un petit peu, juste pour dire qu'il y a un peu d'air. Là. Hein? Aller chercher une autre couverture, si tu veux. Non, c'est pas nécessaire. Va te coucher d'abord, tu vas avoir moins froid. Hein? Tu pourrais me répondre? Je n'ai pas de compte à te rendre. Moi, je suis obligée de t'en rendre, par exemple. Je t'en demande pas. Je peux pas sortir cinq minutes sans que tu m'obliges à te dire où je vais. Je peux pas dépenser un seul sou sans que tu exiges que je te dise pourquoi. T'exagères. J'exagère. Tu dis que j'exagère. T'exagères toujours. Oh, tu te rends pas compte, mon pauvre Manuel. Tu dois pas agir. Tu devrais te coucher pour dormir, hein? Moi, j'ai fait une grosse journée aujourd'hui. Je suis fatigué. Ton fameux rendez-vous. Oui. T'as donné une promotion? Non. Mais ils t'ont demandé de retourner les voir. Ouais. Pour te remonter le moral. J'ai pas besoin qu'on me remonte le moral. T'en as profité pour leur demander une augmentation? Non, on n'a pas eu le temps d'en discuter. De toute façon, j'ai un autre rendez-vous demain avec Boisvert, celui-là. Ah, éteins la lumière, je vais dormir. Ah, oh, monsieur veut dormir. Monsieur est fatigué. Monsieur... Je laisse la paix. La paix, la belle paix, la sainte paix. Monsieur rentre à l'heure qu'il veut, il prend la maison pour un hôtel. Mais quand monsieur a décidé de se coucher, faut que tout le monde se couche. Le maître est fatigué, le seigneur veut dormir. Le maître est content, il a dompté son esclave, il est fier de lui. Tais-toi! C'est ça, réveille les enfants. Tu t'occuperas de les rendormir si tu les réveilles, par exemple. Mais pas avec des cris, parce que si tu leur cries par la tête, ils vont avoir peur et ils pourront pas fermer l'œil de la nuit. C'est toi qui me provoque. Certain que c'est moi, c'est toujours moi. Je t'ai seulement demandé où t'avais passé la soirée. T'avais seulement qu'à me répondre. Ça te regarde pas? Oui, ça me regarde. Parce que je suis ta femme. J'ai au moins le droit de savoir ce que tu fais. Ma femme. Jusqu'à ce que tu me jettes dehors. Ou que je prenne la porte de moi-même. Un jour où je pourrais même plus te regarder. Ça fait longtemps que tu peux plus me regarder. Éteins la lumière. J'ai usé mes forces. J'ai usé toute la patience qui me restait. Je l'ai pas voulu. Tu ne l'as pas voulu, mais tu l'as fait quand même. À 30 ans, un homme devrait être responsable de ses actes. Ça pourrait être responsable, je me sens responsable, tu peux pas savoir comment. Jour après jour, nuit après nuit, tu m'aides à me sentir responsable de plus en plus. Ça entretient ma culpabilité comme la seule maladie capable de nous rattacher encore ensemble. Pourquoi, Manuel? Pourquoi on se méprise? On se déchire, on se tue? Pourquoi? Je sais pas. Il peut pas y avoir de volonté dans un couple. Deux personnes ne peuvent pas toujours vouloir la même chose en même temps. Faut qu'il y en ait un des deux qui se soumette. Pourquoi? La volonté de l'autre. J'ai jamais pu. Même au début de notre mariage, quand je faisais tout ce que tu me demandais, quand je répondais à tous tes désirs. Ça a été tellement court que j'ai de la misère à m'en rappeler. Même à ce moment-là, je faisais semblant d'être heureuse. Je faisais semblant d'accepter. C'était difficile. Je marchais sur mon orgueil. J'essayais d'oublier mes propres aspirations. Que je savais pas. Que j'apprenais à t'haïr. T'as bien appris. Toi aussi. Demain. Demain, on parlera de ça demain. Non, je peux pas, je veux que tu me dises. Je veux que tu me dises s'il y a une autre femme dans ta vie. Quand il y en aura une autre, je partirai. C'est pour toi. Merci. J'aurais voulu t'offrir un plus gros bouquet, mais je ne pouvais pas me le permettre. Vous avez choisi une jolie fleur. Hein? C'est pas moi, c'est la fleuriste. Juste derrière la colonne Nelson. Vous êtes arrivé tôt aujourd'hui. Pardon? Je dis que vous êtes arrivé tôt aujourd'hui. Oui, mais c'est à cause. C'est à cause que... Je voulais pas que Virginie me voie t'apporter des fleurs. Ça vous gênait? Daniel, hier soir, tu voulais à tout prix qu'on se tutoie. C'était hier soir. C'était plus facile pour les besoins de la conversation, ça, ça. Vous auriez pas été capable de me parler. Il y a eu plus que ça hier soir. Vous croyez? Souvenez-vous, on a soupé ensemble. Vous étiez gay, vous disiez que le vin vous faisait tourner la tête. Ensuite, dans le taxi. On s'est conduit comme des collégiens. Ça m'arrive très peu souvent, Manuel, croyez-moi, c'est pas du tout dans mes habitudes. Ah bon? Je comprends. Vos habitudes, vous, c'est de... d'agacer, simplement. Ensuite, vous jouez les grandes dames. On a suffisamment parlé comme ça, c'est pas de bon goût, Manuel. Bon, je vois à qui j'ai affaire. Quand M. Boisvert rentrera, je lui demanderai s'il peut vous recevoir. Donnez-vous pas cette peine. Pour reculer, maintenant? Hier soir, vous m'avez fait entrevoir une vie nouvelle. Ce matin, c'est fini, la douche froide. Ah, vous connaissez le truc? Une vie nouvelle? Toute la nuit, j'ai eu les yeux ouverts à penser à vous. Vous auriez mieux fait de dormir. Les vies nouvelles sont souvent des vies impossibles. Vous parlez pour vous ou bien pour moi? Devinez. J'ai passé l'âge des devinettes. Si Boisvert veut me recevoir, ça sera pas avant 9h30 parce que moi, je descends déjeuner. Ça prépare mal une entrevue. Mon fils, je crois plus en rien. Bonjour, Virginie. Toujours aussi pimpante. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Il manque de sommeil. Oh, la jolie rose. Quelqu'un l'a offert? Un inconnu qui a dû venir avant l'autre, je l'ai trouvé ce matin en arrivant. Qu'est-ce que tu veux me faire croire? Non. Dis-moi que ça ne me regarde pas, mais raconte-moi pas de histoire. Moi, il y avait une petite carte sur laquelle c'était écrit « À celle qui fait pâlir toutes les fleurs du monde ». Et c'était signé un amant qui souffre en secret. Non. C'était pas signé. Oh, il fait très beau ce matin. J'avais pas du tout envie de venir travailler. C'est l'été indien. Oui, un reste de saison qui nous donne l'illusion que le beau temps va durer. Ça transige? Non. Mélancolie. Ça me donne comme un goût de regret. Le regret du temps perdu, de toutes les bonnes choses qu'on n'a pas su prendre. Bonjour. Bonjour. Bonjour. J'ai dû oublier de remarquer qu'il faisait soleil aujourd'hui. Oh, c'est aussi bien comme ça quand on fait des affaires. Tu vas l'avoir quand? Si quelques jours. Toute blanche, avec des cils rouges. Je me demande comment tu fais. J'aimerais ça savoir comment tu fais. Je m'organise. Ouais, mais de l'argent, ça se trouve pas si facilement. Ben, moi, vois-tu, Manuel, pendant que tu fais des pieds et des mains pour avoir une promotion au bureau, je mène mon affaire tranquillement. Mais quelle affaire? Tu me parles toujours de ton affaire, tu me dis jamais ce que c'est. C'est peut-être que j'ai pas intérêt à te le dire, ni à faire de la publicité. Tu te méfies de moi, ton meilleur ami? De tout le monde. Faut pas mêler les choses, Manuel. L'amitié, c'est l'amitié. Les affaires, c'est autre chose. Ouais, en affaires, il faut pas avoir de cœur. Parce que si tu fais des affaires, c'est parce que tu veux que ça te rapporte. C'est logique. Non, pour te dire vaguement ce que je fais, là, c'est comme je m'occupe de sport. Football, le hockey, les courses, baseball. Tous les sports, 12 mois par année. Ben, tu veux pas me faire croire que t'es vendeur dans un magasin d'articles de sport? T'es fou, Manuel. Pense un peu. Use de ta tête. Je comprends pas, j'ai beau penser, je comprends pas. T'es pas un grand sportif, c'est pour ça. Ben, quand j'étais jeune, t'es bon dans tous les jeux. Le résultat d'une joute, ça t'a jamais intéressé? Ça m'arrive des fois de regarder le football à la télévision. C'était pas parié sur les résultats, c'est moins intéressant. C'est comme les courses, Emmanuel. T'es venu aux courses avec moi? Hein? C'était pas parié d'argent sur un cheval. C'est ennuyant comme la pluie, les courses. Tu vends des cartes? Je En Finlande? En Espérance. Je vois ce que tu veux dire. Ça fait longtemps que tu devrais le savoir. Oui, moi, je me suis toujours mêlé de mes affaires. Non, il faut dire que j'opère quand même assez discrètement. Parce que c'est pas permis. C'est payant, mais c'est pas permis. C'est illégal. Oui. Mais quand c'est illégal, puis ça se pratique quand même, c'est parce que la loi est mal faite. Et pourquoi tu m'en apprends tellement tout à coup? Parce que j'aurais peut-être besoin de toi. Hein? Mais je t'expliquerai ça dans quelques jours. Mais en même temps, on est déjà en retard. Hey, je vais peut-être avoir mon rendez-vous avec Boisvert ce matin. On va avoir plus de chance avec lui que t'en aille avec Pigeon. C'est la première fois que je vais au bout d'une démarche. Justement, quand tu vas jusqu'au bout, ça va encore plus mal. Seulement, tu vois un peu plus clair devant toi après. Peut-être. Tu répètes rien de ce que je t'ai dit sur mes activités sportives. Non, non, je tiens ça. Pas mal de choses. Comme quoi? En sortant de l'école, je n'ai pas attendu. J'ai pris ce qui s'offrait. Messager au Canadien Pacifique. Sur la bicyclette? Oui, mais pas pour longtemps. Quand j'ai eu l'âge, je suis entré dans une banque. Caissier? Non, j'étais pour le devenir, mais je me suis orienté ailleurs. Où? Dans un petit bureau qui a fait faillite. C'est là que j'ai passé les examens du service civil. Je suis entré comme commis au bureau de poste, avec toute la sécurité du gouvernement. C'est pas tant la sécurité que je cherchais que de faire mon chemin dans le monde des affaires. C'est pour ça que j'ai laissé le bureau de poste pour venir travailler ici. Vous vous souvenez quand je me suis présenté? Vous m'avez fait tout de suite confiance. Vous n'avez pas attendu pour me donner la situation? Oui. En quelle année avez-vous fini l'école? En 8e. Mais j'arrivais jamais le dernier de la classe. C'est bien pour dire, hein? Aujourd'hui, l'instruction, c'est devenu la chose la plus importante dans la belle province. Dans les journaux, ils en parlent à pleine page tous les jours. Oui, mais il y aura toujours des self-made men qui réussiront. Ce sera de plus en plus difficile. Ah, c'est beau, les thunes. J'aurais bien voulu aller plus loin, mais... Le père, chez nous, il nous faisait commencer à travailler jeune. Il disait qu'on apprenait plus de choses importantes dans la vie qu'à l'école. Dans certains cas, c'est pas complètement faux. Monsieur Pigeon m'a dit que vous aviez fait la même démarche auprès de lui. C'est vrai, c'est même lui qui m'a conseillé de vous voir. Je me suis toujours occupé des relations avec le personnel. C'est pour ça que vous pouvez compter sur un personnel satisfait aujourd'hui. Satisfait? Comme vous? Je me suis jamais plaint. Non, je ne dis pas que si j'avais une augmentation de salaire, je me refuserais, mais... D'un autre côté, je ne laisserai jamais Pigeon et Boisvert. D'ici quelques années, il y aura peut-être des ouvertures intéressantes pour les employés. Comme celle qui reste vide dans le moment. Elle ne sera pas longtemps. C'est pour ça que je suis venu m'offrir avant qu'il soit trop tard. Je suis prêt à partir, vous savez, je suis prêt à voyager n'importe où, à donner 100% de mes énergies à vos affaires. J'aime ma petite famille, mais justement parce que je l'aime, je tiens à améliorer son sort. Et le vôtre? Oui. J'ai été content de vous recevoir, Manuel. Est-ce que vous allez prendre ma demande en considération? Je vais considérer que vous avez de l'ambition. Mais pour le moment, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Vous refusez de placer mon nom sur la liste avec les gens? J'aimerais le faire, mais vous ne seriez pas de taille. Ah, écoutez, monsieur Boisvert, tout ce que je vous demande... C'est qu'on vous donne la lune. Mais non! C'est qu'on me laisse au moins la chance de faire mes preuves. C'est une chance qu'on vous donne en vous gardant à notre emploi. Avec de la patience, avec les années, vous allez avoir plusieurs occasions de faire vos preuves. Mais voyons, vous êtes satisfait de mon travail depuis 5 ans. J'ai pas trop à me plaindre. Il me semble que j'ai montré plus de bonne volonté que n'importe qui. Continuez. C'est comme ça que vous allez arriver à faire reconnaître vos mérites. Monsieur Boisvert. Déjà 11 h et je n'ai encore rien fait cet avant-midi. Monsieur Boisvert, je vous demande une dernière fois de m'écouter. Mais je pensais vous avoir fait comprendre que je ne pouvais rien pour vous dans le moment. Et qu'est-ce que vous pensez que je suis, moi? Un homme, c'est pas un esclave qu'on mène à coups de pied jusqu'à temps qu'il soit vidé. Un homme qui vous donne les meilleures années de sa vie a droit à un peu de reconnaissance. Vous croyez qu'on vous mène comme un esclave? Vous vous attendez à plus de reconnaissance que celle qu'on vous donne? Des fois, oui. Je ne comprends pas alors pourquoi vous restez à notre service. Mais bon, Dieu, comprenez donc qu'il faut que je gagne ma vie comme tout le monde. Mais comprenez donc vous-même que c'est déjà beaucoup faire pour vous que de vous garder à notre emploi. À 85 piastres par semaine, c'est pas cher pour la vie d'un homme. Dans le moment, nous estimons que vous ne valez pas plus. Vous estimez, vous estimez. Je me demande comment vous vous y prenez pour faire vos calculs. Une autre fois, je vous demande de sortir. Et moi, je vous demande seulement de considérer que j'étais un homme disponible, complètement disponible. J'ai tout considéré. Maintenant que c'est fait, laissez-moi travailler. Oh non, pas tout de suite. Pas avant que je sois allé jusqu'au bout. Pas avant que je vous ai dit tout ce que j'ai sur le cœur. On nous a entassés dans les villes. On nous a élevés à coups de pied au cul. On nous a culbutés dans la vie comme des animaux. Toute notre jeunesse, on nous l'a volée, on nous l'a prise. On nous a détournés de la vie. On nous a étouffés, méprisés, salis. On nous a éventrés comme des pourceaux à l'abattoir. Puis on voudrait qu'on se taise. Qu'on n'ait pas de temps en temps un petit moment de révolte. Le jour qu'on s'aperçoit que notre vie est complètement ratée. Ah, c'est des types comme vous. Des types sérieux avec la pierce au bout des doigts. Des types qui pensent seulement qu'à leur profit. Oui, c'est des types comme vous qui ont rendu la condition des hommes inhumaine, qui ont pourri la société en faisant bon marché de la vie des autres comme ils font bon marché de leurs scrupules. C'est assez. Je vous donne vos 15 jours. Vous passerez à la comptabilité. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de faire? Vous êtes en train de jouer la scène la plus ridicule que j'ai jamais vue. Je vous prie de croire que je voulais pas. Sortez d'ici. Mes 15 jours. Oh, mes 15 jours. Femme, mes enfants, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, pas ça, monsieur Boisvert, pas ça. Je serais trop humilié, je serais trop humilié. Ma femme, je ne pourrais plus me regarder en face. Je pourrais vous demander pardon à genoux, mais pas mes 15 jours. Je savais plus ce que je disais, j'avais complètement perdu la tête. Relevez-vous. Un homme ne se met jamais à genoux devant un autre homme, jamais. Un homme se met à genoux devant Dieu. Parce que c'est le seul être qui puisse lui être supérieur s'il existe. En dehors de lui, jamais. Oubliez tout ça, s'il vous plaît. M. Boisvert, oubliez ce que j'ai dit. Retournez à votre bureau et faites votre travail. Je vais arriver. Une conversation précise avec toi, hein? Tu trouves? C'est une façon d'éviter les sujets. Quand t'as accepté mon invitation à souper, j'ignorais que c'était pour me parler de manière. C'est ton ami? Un bien grand mot. Croyez. Imagine-toi que tu m'intéresses plus que Manuel. Toutes les filles font ça. Je vois qu'on m'a fait une mauvaise réputation. T'es tellement occupé. Non, il n'y a pas tellement de femmes dans ma vie. Mais pour en revenir à l'intérêt que tu portes à Manuel. Je sais qu'il doit être épouvantable. Depuis 3 jours, on est sans nouvelles de lui, que Jean et Boisvert vont prendre peut-être jamais plus. Sans travail, sans argent. Criblé de bêtes, 2 enfants malheureux en ménage. Tu le connais même mieux que je pensais. Moi, j'espérais que tu fasses quelque chose pour m'aider. Je lui dois rien. Bon. Je vois que j'ai frappé à la mauvaise porte. Tu penses vraiment qu'on peut aider les autres? Oui. Ceux qui en ont besoin. J'essayais seulement de te faire comprendre. Tu te fais encore des illusions sur la vie. Il m'en reste encore quelques-unes, mais je finirai comme toi un jour, je perdrai tout. Non, non, il m'en reste encore quelques-unes, moi aussi. Ça fait longtemps que je voulais être seul avec toi. Que c'est banal. Quoi? Ce que tu viens de me dire. Tout est banal pour toi. J'aimerais bien savoir ce que Manuel a pu te raconter. Rien. Alors, écoute. Tu veux que j'aille le voir? Que j'essaie de l'aider? C'est ce que je t'ai clairement demandé tout à l'heure. Si je le fais, en retour, est-ce que... Tu poses des conditions. Manuel, c'est pas mon problème à moi. Je vais seulement pour te faire plaisir. Je vais quand même m'en occuper, mais... J'aimerais savoir ce que ça me donnerait exactement. Ça me permettrait peut-être de te trouver un peu moins musclé. C'est tout? Qu'est-ce que tu veux de plus? T'en voir encore, au moins ça. Je suis au bureau tous les jours, tu peux me voir tous les jours si tu veux. Je fais semblant de pas comprendre ce que je veux dire. Puis toi, tu essaies de jouer avec moi comme si j'étais une enfant. Et tu fais fausse route, va t'adresser ailleurs. J'aime pas ce qui est passé. Sais-tu? J'ai gagné au moins une chose aujourd'hui. Laquelle? Accepter ma première invitation. Le rôle de victoire. Ah, c'est comme si un premier mur s'était brisé entre toi et moi. Il y en a encore bien, vous. Celui de mon indifférence est plus difficile à percer. Je te reconduis? Je te l'impose pas. C'est un plaisir de plus. Faut pas oublier comment il réagissait. Je sais ce qu'il faisait faire au bonhomme, chez nous. Il vivait au-dessus de ses moyens, comme la plupart des pauvres d'aujourd'hui, mais quand on a le temps de payer, là, il se prenait la tête à deux mains, puis il savait plus comment s'en sortir. C'est le garde des fers, j'ai appris. J'ai appris à me débrouiller, j'ai appris à m'en sortir. Mais si tu presses si trop pour les autres, il faut que ça t'attrape. Il y a des cadres qui sortent de l'université qui appellent ce qu'on fait de l'usure, parce qu'ils comprennent rien à l'économique. Ben, j'ai pas eu besoin d'instruction pour apprendre le système, pour comprendre le système. J'ai regardé ça comme il faut, puis là, je me suis lancé. Seulement, je savais où j'allais. Les gens ont de plus en plus besoin d'argent, faut que tu l'en procures, bon, d'accord. Bon. Seulement, si tu leur procures, ce qu'ils demandent, sans faire dans ça, tu prends des risques, et il faut qu'ils payent pour. Tout simple que ça. Moi, je suis allé à l'université pour l'apprendre. Moi aussi, j'ai besoin de l'usure. Ouais, mais t'en fais pas un coup de conscience. Ça choque pas ta morale. Besoin de l'usure nécessaire. Ah, t'es un peu intelligent, t'es un réaliste. T'as compris que la vie puis l'université, c'est des choses qu'il faut pas mêler ensemble. Non, les livres, c'est bien beau quand tu peux te permettre de le lire, de lire, mais il faut pas que tu baisses avec la vie ensuite. Ouais, ben, ma conférence est terminée, moi. Avec de fois le cas de Manuel. Il est pas venu? Non. J'ai téléphoné? Non plus. Ouais. Attends, en ce qui me concerne, moi, il fait plus partie du personnel. Hein? Faut pas attendre jusqu'à demain pour le congédier. Après la scène qu'il a joué dans mon bureau? Ça veut pas dire qu'il va recommencer. Je connaissais ces cas-là. Une fois qu'il s'est vous battu, c'est pour le reste de leur jour. Ah, des fois, je te comprends difficilement, toi, Charles. En affaire, t'es sans pitié, mais dès qu'il s'agit de congédier quelqu'un, tu t'attendris. Ben, faut bien que mon bon cœur ressorte quelque part. Il y en a qui prétendent que je suis une égorgeuse, parce qu'ils me comprennent mal. Non, tu sais comme moi qu'on a besoin de personnel, on manque de personnel. Son sac Manuel dehors, il faut qu'on engage deux autres. Je suis bien prêt à prendre ça en considération. Mais si j'ai pas des nouvelles de lui demain à 5 heures, je l'aille des cartes. Ben, si t'attends jusqu'à demain, je te donne carte d'or. Dis donc à Eugénie que je vais avoir. Hein? Pas d'appel depuis tout à l'heure? Non. Aucun signe de vie de Manuel? Non plus. J'ai cru remarquer qu'il n'était pas très bien la dernière fois que je l'ai vu. Vous avez déjà été assez malade pour vous absenter du bureau? Oui, une fois l'année passée. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai demandé à ma mère de téléphoner. On vous a adressé des reproches quand vous êtes revenu? Pas que je me souvienne. Tout le monde peut être malade. Mais du moment qu'on nous prévient, on est prêt à comprendre. Vous savez, Daniel, la pitié, ça ne règle jamais rien. Écoute la radio. Des bas. Écoute la radio quand même. Jusqu'à ce que les lampes se brûlent. Non, sac. Tu ne vends rien. Tu penses que je vais avoir pitié? Je le demande pas. Je ne demande plus rien. T'es allé pour une nouvelle place aujourd'hui? Je m'intéresse pas de connaître le résultat. Allez, je vais te le dire quand même. Il n'y a rien qu'un raté. C'est pas ça! Ça te fait mal, la vérité, hein? La vérité... c'est que la vie, c'est une cochonnerie. Peut-être, ça règle rien de le dire. Éteins ça! J'ai plus envie de t'entendre. Éteins ça, que je te dis! Ouais. Faut que tu parles, que tu vas regretter. Tu penses? Moi, je vais te la faire regretter. Il me fait mal. Elle sait. Il me fait pas peur, par exemple. Éteins ça! Non! C'est ça. Continue de boire. Fais-moi mal. Enlève-moi le seul plaisir qui me reste. Téléphoner? Non. T'as demandé de téléphoner? J'ai essayé. Ça non plus, ça marche plus. Le bel nous l'a coupé. Coupé? Mais après 3 mois de retard. Coupé le téléphone. Tu savais. Après 3 semaines, tu savais. T'aurais pu faire quelque chose. Mais t'as préféré boire. T'as préféré te saouler. Ils ne reprendront plus. Pigeon et Boisvert ne reprendront plus. Tu seras pas surpris, j'espère. Pourquoi c'est comme ça? C'est bien la dernière question que tu devrais te poser. C'est ça qu'il voulait, au fond. Au fond, c'est tout ça qu'il voulait. Il voulait se débarrasser de moi. Manuel! Ne crie pas, ça ne sert de crier. Manuel, je vais partir. Je vais partir avec les enfants. Je ne suis plus capable de continuer. Vous t'en allez? Au fond, c'est tout ce que tu demandes. C'est pas de ta faute. Tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités. Si tu fais ça, je me tue. Mais non, Manuel, tu ne tueras pas. Je suis capable de le faire. Tout ce que tu es capable de faire dans la vie, puis que tu fais pas. Je finis, Suzanne. Suzanne, c'est un gosse fini. Qu'est-ce que t'as voulu? C'est vers ça que tu marches depuis longtemps. Je voudrais voir M. Boisvert. Vous avez un rendez-vous? Oui. Vous êtes madame? Dites que je suis la femme de Manuel Forêt. Suivez-moi, je vous attends. Soyez-vous. Fumer? Parfois. Pas maintenant. Ce serait cruel de ma part de vous laisser supposer que j'ignore complètement le but de votre visite. Mais laissez-moi vous dire tout de suite que j'aimerais mieux voir votre mari que vous en face de moi. Je pense que ce serait beaucoup plus facile. Vous ne pouvez pas venir. Ni téléphoner. Le téléphone est coupé depuis 2 jours. Je vous ai appelé de l'épicerie ce matin. Pourquoi ne pouvait-il pas venir? J'aimerais d'abord vous dire que mon mari n'est pas un homme comme les autres. Vous ne répondez pas à ma question, madame. Je pense que dans un sens, j'y réponds. Parmi mon personnel, je ne fais pas d'exception. Pour vous prouver qu'il n'est pas comme les autres... J'aimerais que vous évitiez de faire entrer les sentiments dans notre conversation, madame. Je vais essayer. C'est le 4e jour qu'il s'absente sans motif. Pourquoi? Parce que vous l'avez démoli. Pardon? C'est pas la première fois que je le vois se décourager. Mais là, j'ai peur. J'ai peur que ce soit pour tout de bon. Il aurait peut-être voulu devenir directeur du bureau. C'est pas ce qu'il vous demandait, vous le savez. Je m'excuse, madame. Il n'avait pas les qualifications requises pour obtenir le poste qu'il demandait. Mais d'ailleurs, nous sommes revenus sur notre décision, mon associé et moi, et nous n'engagerons personne. Il était humilié une fois de plus. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je suis pas à votre place. Je peux pas répondre. Vous auriez dû être ici le jour où il a donné libre cours à son agressivité. Une agressivité injustifiée, une scène de mauvais goût que je ne pouvais pas me permettre de tolérer. Mmh. Il l'a regretté après. Oui, je sais. Il s'est jeté à genoux devant moi. Et vous l'avez congédié? J'ai commencé par le congédier. Ensuite, je me suis repris. Et je l'ai sommé de ne jamais recommencer. Et pour lui, c'est comme si vous l'aviez congédié. Il a honte. Hier, à travers la ville, traîne partout son humiliation. Je vais vous poser une question délicate, madame. Est-ce que vous croyez que votre mari est parfaitement sain d'esprit? Vous connaissez beaucoup de gens qui le sont. Et vous répondez à ma question par une autre question. Comment pensiez-vous que j'allais vous répondre? Bon, disons que j'ai manqué de tact. C'est pas par plaisir que je suis venue vous trouver. Vous êtes très gentil de me recevoir. Vous auriez très bien pu m'interdire votre porte, mais... Vraiment, les situations claires, je suis heureux que vous soyez là. Je n'aime pas les problèmes qui demeurent en suspens. Manuel voulait m'empêcher de venir. Ça le blessait une fois de plus dans son orgueil. Mais c'est ce que je trouve invraisemblable. Comment peut-il se permettre d'avoir cet orgueil? C'est mon dernier espoir. Qu'il y en reste encore. Vous voyez les choses avec vos yeux de femme. Vous avec vos yeux de patron. Si vous les voyez avec ceux d'un homme. Si vous vous croyez à l'assistance publique, vous vous trompez d'endroit. Moi aussi, je suis comme lui. J'ai pas su comment me prendre. Vous l'aimez, votre mari? Vous l'aimez beaucoup. Oui, je sais que j'entre dans votre vie intime, mais... On est mariés depuis 5 ans. On a 2 enfants. Il n'a pas été chanceux. Je ne l'ai peut-être pas toujours aidé autant qu'il aurait fallu. Mais vous l'aimez. Pourquoi vous me demandez ça? À quoi ça mène? Je veux savoir si vous l'aimez au risque de passer pour le pire des indiscrets. L'amour. Pourquoi vous amenez le sujet sur l'amour quand il s'agit de sauver la vie d'un pauvre garçon? Bien un moment dans la vie, monsieur, on ne se demande plus si on aime. On se demande simplement comment on fait pour survivre, pour ne pas se tuer. Qu'attendiez-vous de moi en venant ici? Rien. Je voulais simplement vous dire que si vous le repreniez, il serait peut-être content de revenir. Vous voudriez que je vous réponde tout de suite? Ça me permettrait de lui apporter une bonne nouvelle, de le rassurer. Je veux bien, moi, je veux bien tout effacer et le reprendre. Mais qu'est-ce qui me dit qu'il ne recommencera pas dans un mois? Donnez-lui sa dernière chance. Dites-lui de venir me voir lundi matin. Il pourrait être ici aujourd'hui, demain matin. Dites-lui de venir lundi, qu'il se repose d'ici là. Vous allez le reprendre? Je verrai. Dites-moi que vous allez le reprendre. Je peux vous promettre une seule chose, madame, je vais essayer de l'aider. L'aider comment? Mais dans la mesure du possible. Je ne peux pas vous en dire plus. Vous pensez que ça va le réconforter quand je vais lui rapporter vos paroles? Vous êtes une femme intelligente. Si vous savez lui parler, ce sera possible de m'entendre avec lui lundi matin. Vous ne pouvez pas m'en demander de plus. Je m'excuse de vous avoir dérangé si longtemps. Attendez. Si je fais quelque chose pour lui, vous saurez que c'est pour vous que je le fais. J'aurais envie de vous dire soyez heureuse, mais je sais que ce serait malvenu. Le bonheur, l'amour, ce sont les choses les plus mal partagées, mais on n'y peut rien. Ouais, on n'y peut rien. C'est inutile de rêver à changer le monde, l'ordre du monde. Et si votre mari pouvait comprendre ça, il saurait mieux prendre la vie. Faudrait qu'il y ait les moyens de comprendre. Merci. Merci, madame. De rien, madame. Chose tellement petite qui nous arrive de ne pas la voir. Pardonne. Tu vas être en retard, Manuel. Je vais préparer mon différent. Il est servi. Café. Ah, ça c'est une belle journée. Quand il fait soleil, moi je me sens plus le même. Tu vas mettre ta belle cravate? Ouais. T'as remarqué que j'avais repassé ta chemise hier soir? Ouais. Parce que je ferais, c'était voilà. Sais-tu que si tu n'étais pas marié, toi, j'irais demander ta main à ton père. Tu l'as fait une fois, ça fait. Tu le regrettes, hein? Tu sais que tu le regrettes. Je parlais pas dans ce sens-là. Parce que tu as trouvé ça tellement difficile la fois que tu étais obligé de le faire. Tu te souviens? Ouais. T'es certaine que Boisvert ne me recevra pas comme un chien dans un jet de kine. Tu m'as demandé ça 10 fois durant la fin de semaine. Ouais, je vais être certain d'avoir la bonne attitude. Je suis humilié une fois devant lui, je ne dois pas recommencer. C'est pas une question de t'humilier. Je connais Boisvert, c'est un gars sec qui veut mettre tout le monde à sa main. Mais c'est le patron, il faut qu'il y ait de l'autorité. Ah, pour ça, je suis bien d'accord. Mais un homme, ça reste un homme. C'est pas parce qu'un gars a plus d'instruction qu'un autre qu'il doit en profiter. Une fois mort, lui puis moi, on ne va pas coucher l'un que l'autre. Bois ton jus d'orange, Manuel. Pourquoi t'es pas de mon avis? Je trouve que ce que tu dis est vrai. Mais c'est pas nécessaire de le répéter devant M. Boisvert. Un fou. Hey. Ça, c'est un jus d'orange qui a du goût. Tu les as pris où, tes anges? À l'épicerie du coin, tu le sais. T'en achèteras d'autres? Pas cette semaine. Quoi? Je te l'ai dit samedi. On est rendu au bout de notre crédit. L'épicier refuse de nous en donner plus. On l'a toujours payé, lui. On ne l'a jamais volé. Commence pas, Manuel. Commence pas, c'est toi. Les dettes, on va les payer jusqu'à la dernière scène. À peine de faire un emprunt, s'il le faut. Un emprunt, ça change le mal de place, c'est tout. Puis ça finit par coûter plus cher à cause de l'intérêt que tu payes. Ben, on a refait notre budget hier soir. Si on s'en tient à ça, on va finir par en sortir. On va finir par tout régler. T'as raison. Je suis là à vouloir une vie que je peux pas avoir, au lieu de me contenter de mon petit pain. Veux-tu des œufs? Non, j'ai pas faim. Je bois mon café puis je pars. Ah! Quand il y a du soleil comme ça, on dirait qu'on a plus de cœur que les autres jours. Ce que j'aimerais pas. Dis-le. Ce serait d'avoir à revivre une autre semaine comme celle qui vient de passer. Oublie ça. T'as oublié, toi? Je me force de pas y penser. Ouais, t'as pas oublié. C'est pas important ce matin, Manuel. J'ai été un mauvais mari, je le sais. À partir de ce matin, je recommence à neuf. Tu vas voir. Tu vas voir des choses que t'as jamais vues. J'ai décidé de jamais me laisser arrêter. J'ai décidé de jamais me laisser dépasser par les autres. Quand il y a un obstacle dans le chemin, il faut foncer direct dessus. C'est pas ça qu'il faut que tu dises à M. Boisvert. Non, mais il faut quand même qu'il le sente dans mon attitude. C'est tout. J'ai une valeur. Je représente quelque chose dans son affaire. Je dois rien. Il ne doit rien non plus. Le salaire qu'il me paye, moi je le gagne. On est quitte. Il me donne de quoi faire vivre ma famille, mais moi, je lui donne les meilleures années de ma vie. Fait que, même si on regarde bien les deux parties de l'échange, on pourrait peut-être découvrir que c'est pas lui qui y perd. Suzanne, qu'est-ce que t'as? Rien. Mais oui, t'as quelque chose. Je te connais assez. Quand t'as de la peine, t'arrives pas à la cacher. Je voudrais seulement que tu comprennes. Pas je comprenne quoi, là. C'est pas de ta faute. T'as rien fait pour ça. T'es pas responsable, mais... Allez, continue. Sois réaliste une fois. Sois réaliste juste une fois. Regarde-toi en face comme un homme. J'essaye de me regarder en face. C'est jamais moi que je vois. T'es un petit employé de bureau, Manuel. Pas moins, pas plus que ça. Pour le moment, pour aujourd'hui, accepte-le. Essaie de rester les deux pieds sur terre. Quelque chose. que tu as 85 piastres par semaine. Ça vaut pas cher la livre. Hein? Cheap labor, qu'ils disent dans les unions. Cheap men, cheap labor. On devrait tous avoir une étiquette collée dans le front, là-haut. Un insigne sur le cœur. Ou un écusson sur le ventre, comme sur les chandails des équipes de football. Huitième année, petit commis. 85 par semaine avec un gros signe de pièce. Tu vas être en retard. 9h du matin aussi. Oui, ça pourrait être écrit, ça. De 9 à 5, juste à côté du signe de pièce. Donne-moi mon veston. C'est peut-être ça, être un homme. T'accepter tel que t'es. Ouais. Jamais en demander plus. Jamais chercher plus loin que le coin de la rue. Mais c'est faire le temps, attendre qu'il joue en sa faveur. Courir le risque d'être toute sa vie une momie dans un musée de cire, ouais, j'ai compris. Ça m'a pris du temps pour me mettre ça dans la tête. Dire que ça m'a pris 30 ans pour le découvrir. 30 ans de ma vie. C'était pourtant facile à comprendre. Toi, tu l'as compris tout de suite, hein? Tu l'as compris tout de suite? Au lendemain des noces, peut-être? J'avais plus de temps que toi pour penser. Mais pense plus maintenant. Tu ne veux plus la peine de penser. Moi non plus, je penserai plus. Bonjour, M. Waller. Je m'excuse de déranger une personne aussi importante que vous, mais je viens vous demander pardon. Sans vous, M. Bovert, il n'y aurait pas de place pour moi dans le monde. Je ne pourrais pas vivre. Je ne pourrais même pas respirer. Ma femme, mes petits, crèveraient de faim. Mais grâce à vous, M. Bovert, ils sont heureux. Moi aussi, je suis heureux. Moi aussi, je peux profiter du soleil comme les autres. Ouais, je suis prêt. J'ai tout ce qu'il faut pour commencer ma nouvelle vie. Les deux poches aussi vides que le cœur. Je vais faire comme le père de l'enfant prodigue. Mais je n'irai pas jusqu'à tuer le veau gras. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que si je me montre compréhensif, si je vous ouvre une autre fois la porte, ça ne signifie pas que je le fais de grand cœur et que j'oublie du même coup votre conduite. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Ma femme m'a dit que... Comptez-vous chanceux d'avoir une femme comme la vôtre? Essayez d'avoir autant de valeur qu'elle l'a méritée. Oui. C'est la dernière fois que je passe l'éponge, Manuel. Autrement dit, c'est ma dernière chance. La prochaine fois, il n'y aura pas de pardon. Je vais essayer d'être un employé modèle, M. Bovin. Essayez surtout de ne pas vous prendre pour un autre, c'est ça qui est dangereux. On bâtit des chimères, on déforme les réalités de la vie, on s'évade. Mais quand on revient sur Terre, on se cogne le nez sur une porte fermée, ça fait mal. Ça fait toujours mal. Surtout quand les portes restent fermées pour toujours. Ouais, vous avez raison. Faut pas espérer non plus, faut rien attendre de la vie comme ça. Comme ça, il paraît que c'est possible d'être heureux. On est heureux à la mesure de ses moyens. Bon. Je vais essayer de penser seulement qu'à ça maintenant. Pour mes 4 jours d'absence. Ce serait déduit sur votre prochaine paye. No work, no pay. Pardon? J'avais pensé que vous auriez peut-être pu les considérer comme des jours de maladie. C'est ce que j'appellerais tuer le veau gras. Oui, il faut pas le faire. Il faut plutôt tuer l'enfant prodigue. Si vous n'êtes pas satisfait, dites-le tout de suite. Ce ne sera même pas la peine de retourner à votre bureau. Non, je vous demande pardon, c'est parce que... je pensais à l'Évangile. Faut pas prendre les paraboles à la lettre. Faut savoir les appliquer aux différentes circonstances. J'aurais pu tout simplement oublier l'Évangile et vous dire d'aller frapper ailleurs. Oui, vous auriez pu aussi me proposer une baisse de salaire. Vous auriez pu m'enlever mon poste de commis, me placer sur l'ascenseur. Non, c'est contre mes principes. Si un employé ne me donne pas satisfaction, je préfère le congédier, tout simplement. Bon. Tout ce qui me reste à... tout ce qui me reste à faire, c'est de vous remercier. Et travailler. Allez à votre bureau. Il y a plusieurs dossiers qui vous attendent. Oui. Oui, monsieur Boisvert. Je voudrais te voir comme la semaine passée, je voudrais te parler. Qu'est-ce que ça va te dire? J'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai beaucoup pensé à toi. Si j'avais pensé à moi, comme tu le dis, je ne te serais pas absenté, tu te serais conduit autrement. Je ne pouvais pas me conduire autrement, j'étais éclairé. Pendant ce temps-là, moi, je t'ai jugé. J'ai jugé aussi le jour où ta femme est venue ici. Justement, si je dois, c'est parce que je veux t'expliquer. Mais t'as rien à m'expliquer, Emmanuel. Oublie ça, oublie-moi, je ne peux plus rien pour toi. Nos routes se sont croisées un jour, mais depuis, on s'est orientés dans des directions opposées, tous les deux. Tu rayes facilement les aides de ta vie. Oui, parce que jamais personne n'entre vraiment dans la vie. Il y avait tellement de promesses dans tes yeux, soir-là. Des promesses que je ne peux plus tenir, Manuel. Je croyais que tu l'aurais compris plus vite. Comprendre. Faut toujours essayer de comprendre. Faut toujours essayer de deviner sans s'emporter pour un cave, pour un imbécile. C'est ta femme que tu dois penser maintenant, plus à moi. Toi aussi, tu vas me dire que c'est une sainte? Non, mais j'ai vu ses yeux, j'ai vu son visage. J'ai vu son humiliation. Quand t'es venue jouer sa petite scène de martyr? Elle n'a pas joué de scène, elle a été très digne. Oh, cesse de me parler d'elle, tu me l'as fait détester. Parce que c'était plus facile de la détester que d'admettre qu'elle était supérieure. Supérieure? Qu'est-ce qu'elle a à faire dans la vie, à la part de laver les enfants puis de les moucher, hein? On pourrait peut-être faire autre chose si tu la détruisais pas. Oh, j'admets qu'un homme trompe sa femme, Manuel. Et je vois pas pourquoi tu tromperais la tienne. Je suis un homme libre, c'est pour ça. Un homme qui fait souffrir des êtres qu'il a lui-même enchaînés n'a pas le droit. Bon, continue pas, tu vas me faire pleurer. Bon, j'ai du travail, Manuel. Viens au restaurant avec moi à midi. Non. Je t'invite. Tu t'es durci vis-à-vis de moi. Je ne me rappelle pas d'avoir été tendre. T'as la mémoire courte. Je te voyais autrement à ce moment-là. Je suis le même gars, j'ai pas changé. Pour moi, t'existes plus. T'as existé pendant une heure, puis après, quand t'as desserré tes bras, t'étais déjà plus le même homme pour moi. Sais-tu comment on appelle ça, une fille qui agit comme ça avec les hommes? Je sais à peu près comment tu me juges. Puis non, c'est pas tout à fait juste. Parce qu'au moins avec les putains, on sait à quoi s'attendre. On sait ce qu'elles veulent, on sait combien d'argent ça va coûter, combien de temps ça va durer. Tandis qu'avec toi, c'est même pas ça. Toi, c'est rien. C'est du vent. C'est de la cendre.